toute la journée. Okay. C'est chaud mais faut y arriver. Laisse le stress, on lasse le reste. Jette tout ce qui t'embête. Tout ce qui t'embête. Tout ce qui t'embête. Tout ce qui te prend la tête. J'ai dit tout ce qui te laisse en reste. Tout ce qui te prend la tête. C'est la douce qui dit qu'on se calme de moi. N'a rien à rien d'amène, j'y l'ai. Mais faut voir les choses en grand, rien à craindre. Dès ce plus jeune âge, il faut avoir du cran. Choisis ton camp, gamin, surtout le bon pas, celui d'un cancre. Le futur, vous l'avez entre les mains, ne mettez pas de camp. Dites-nous au braquage ou au cardiaque. Évitez de vouloir planquer des armes sous la parka. Car chaque crime mérite un coup de karcher. On est encore jeune, faut pas qu'on vous incarcère. Les gars, entre la réalité et les rêves et de l'écart. Mon cerveau, ça les cœurs et mes ambitions, ça les cache. On veut sortir le gun, puis monter un plan impeccable. Impossible, c'est pas légal, je prends sur moi et je me calme, gars. Je peux pas faire péter ma vie, tel un cas. Mikaze, redescends la pression si ça monte en cas. Nicule, le sang-froid reprend de l'avant et puis casse. Départ avec l'équipe, on se casse. Départ pour avancer correctement, écoute les rôles, pas des remparts. Ils continueront à te conseiller si dans ta tête ça rentre pas. Rien ne les remplace, donc prends pas tes préjugés sur eux, sinon tu rends ce que tu comprends, ça te rend. Si ça te conforte ou alors rempart. Énormément ou bien empalpé. C'est autre conseil de le cesser qui m'ont les remparts. Pour ne pas oublier mes erreurs, qu'ils me laissent.